d'excentricité. 89.1. Les studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. Les palmarès présentent C'était fou en 2014, partie 2! What? Bon, what, t'as trop excité pour la musique? Ouais. Moi aussi, j'étais trop énervé. Groovy. Bonjour et bienvenue au Palmarès Fou présente. C'était fou en 2014, deuxième partie. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Salut Jean-Philippe Charbonneau. Salut Mathieu. Tu te rappelles, la semaine passée, on a fait les positions 25 à 11. On s'est tapé la partie 1. Ça avait pas l'allure comment c'était bon. Oui. On a même regardé un petit peu ce qui s'est passé dans le Palmarès Loud, dans le Palmarès Musique du Monde. On a fait le tour de pas mal d'affaires, en fait. On a reviré de bord sur nos chaises, tellement oui. C'était écœurant. On a fait le tour de la table au studio. On a mis le doigt devant, on a mis le doigt derrière. Donc, pour cette deuxième partie, il nous reste seulement le top 10 à faire. Oui. Tu diras, mais c'est pas assez pour 3 heures. Ben, non, exactement. Tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est clairement pas assez. Donc, on va se garnir, on va vous gâter en nous gâtant nous-mêmes. Ouais. Avec nos palmarès personnels. Et voilà. Mettons de l'année au complet, mais ce qui est pas dans le palmarès de l'année. Oui, j'espère que j'ai pas fait d'erreur. Je pense que c'est correct. Mieux. Je m'attends à rattraper. C'est ça. Donc, on va vous présenter ça en deuxième partie d'émission. Autour de ça, ça va être donc les positions 10 à 6 là. Et plus tard à la fin, les positions 5 à 1. Ça vous va, ça? Ben, moi, ça me va très bien. Ça va être génial. Comment on peut pas avoir un plus beau mercredi? Ben non. Hey, une plus belle semaine, et un plus beau mois, et une plus belle année. Ben voilà. Hein? C'est pas toi de la merde. Ben non. Donc, position numéro 10 anglophone. Ça va être The Last International, avec une pièce de leur album We Will Reign, qui a été numéro 1 par la semaine du 27 octobre au 2 novembre. C'est Life, Liberty and the Pursuit of Indian Blood. Mm-hmm. Et côté francophone, numéro 10, on va écouter Mordicus, Miroir, Miroir. On se souviendra de la semaine passée, Mordicus était également numéro 11 avec la pièce Le Roi Soleil. Mais là, c'est pas de ça qu'on parle. Là. C'est le passé. On vit dans le présent du passé, finalement. Exactement. C'est pas mal, on va écouter Miroir, Miroir. C'est resté 9 semaines dans le palmarès et c'est monté jusqu'à la position numéro 2 du 10 au 16 novembre 2014. Aïe! Beaucoup d'informations, mais soyez vifs. Oui, soyez futés. Oui. J'ouvre les yeux d'une autre fois. Je veux du changement. La 10e position de l'année du côté anglophone, c'est The Last International et Life, Liberty and the Pursuit of Indian Blood. Excuse-moi donc, Mike Check. Côté francophone, 10e position, Mordicus avec la pièce Miroir, Miroir. Et oui, et c'est oui. Tiré de la balme Cri Primal. Ah ouga. Oui, oui. Petit clin d'œil au matin. Ben oui. Du côté des 9e places maintenant, en anglophone, c'est The Pretty Reckless avec Heaven Knows qui a duré 8 semaines et qui a été numéro 1 la semaine. En fait, 3 semaines de suite. Non, pas de suite. Je dis n'importe quoi. Oh! Ça a sauté une semaine. Ça a été donc numéro 1 la semaine du 22 au 28 septembre. Okay. Ensuite, du 29 septembre au 5 octobre. Ça suit. Là, ça a sauté une semaine. C'est revenu au numéro 1 la semaine du 13 au 19 octobre. C'est coquin. Moi, oui. C'est très coquin. Sûr, ça se trempe, ça se trempe. Côté francophone, c'est Salomé Leclerc, oui, avec Arlon. C'est resté 9 semaines, Mathieu. C'est monté jusqu'à la 2e position du 27 octobre au 2 novembre. C'est tiré de l'album 27 fois l'aurore. Ben là, la Salomé, je la connais à peine. Ben oui, mais là, attends, c'est Leclerc. Ouais, c'est clair. Ouais, clairement, ouais. Clair. Arlon en musique. On peut parler par-dessus tout le long parce qu'on a fait cette blague-là à chaque fois qu'on l'a joué. À chaque fois, hein, oui. En 2014. Je sais pas, ça nous inspire la conversation. Hey, c'était fort 2014. C'est ça que t'écoutes. Je tombe aussi. Comme si des pièges sous le tapis guettaient nos corps affaiblis. 9. Jimmy's in the back with a pocket of high. If you listen close, you can hear him cry. Oh Lord, heaven knows we belong way down below. Sing it. Oh Lord, heaven knows we belong way down below. Way down below, way down below. Judy's in the front seat picking up trash. Living on the dole, gotta make that cash. Won't be pretty, won't be sweet. She's just sitting there on her feet. Sing it. The Prairie Reckless, c'est Heaven Knows, 8 semaines de présence, c'est numéro 1 pendant 3 semaines, du 22 septembre au 19 octobre. Et côté francophone, Salomé Leclerc, Arlon, qui est resté 9 semaines, qui est monté jusqu'au numéro 2, oui Mathieu, 27 octobre au 2 novembre. Pauvre Salomé, on parle tout le temps dessus à chaque fois. Mais c'est parce qu'on l'aime bien. Ben c'est ça. On ferait pas ça si on l'aimait pas tant. Elle manque. Il y a pas eu d'autres pièces de Salomé Leclerc sur le palmarès en 2014, en tout cas pas que je me rappelle, puis il me semble que c'est... Dommage. Ah ben voilà. Tellement fine, Salomé. Mais vous pouvez l'écouter chez vous, tu sais. Hey, ça c'est un bon conseil, ça. Écoutez jamais les palmarès C'est fou, ni C'est fou 89 FM. Non mais oui, achetez-le en cadeau, genre. Pour donner à quelqu'un. OK. Parce que vous avez découvert ça ici. Oui, ici, seulement ici. Oui. Et ailleurs. Et ailleurs. Musée, c'est ça, ici. Mais pas beaucoup d'ailleurs. Non, plus d'ici. Plus d'ici. Ici. Et retenez bien ça, non. Ça va aller loin, je pense. Ah mon Dieu. Non, ça va nulle part. C'est non, effrayant. Hein. Position numéro 8 anglophone, c'est Elephant Stone, un éléphant qui aimerait bien oublier ses blagues qu'on vient de faire sur ici, oui. Radio Canada. Elephant Stone et Motherless Child qui a monté seulement jusqu'au numéro 3, c'était la semaine du 13 octobre. Et où est-ce qu'on voit des éléphants, Mathieu? Je sais pas. Dans le zoo. Ah, ok! Radio avec la chanson Je fais le zoo. C'est resté 9 semaines, c'est monté jusqu'au numéro 2. Puis ça a été numéro 1 pendant 2 semaines, en fait. C'est du 10 au 16 février ainsi que le 17 au 23 février. Rawr! Aouh!

Elephant Stone et Motherless Child, The Love's Not For War. C'est la 8e position du palmarès anglophone de l'année. Ça vient de l'album de Three Poisons et ça a été numéro 3 seulement la semaine du 13 octobre dernier. Mais numéro 3 seulement, il y en a qui se rendent pas là, hein? Ben oui, c'est sûr. Faut voir le bon côté des choses. Voilà. Et puis, côté francophone, 8e du top 2014, Radio-Radio avec Shuil Zou. C'est resté 9 semaines dans le palmarès, c'est fou. Et c'est monté jusqu'à la 2e position pendant 2 semaines consécutives du 10 février au 23 février. C'est de l'album Shuil Zou. Dans la jungle terrible, Elephant Stone. Elephant Stone. Ah oui. Bon, ben, quand est-ce qu'on sort nos meilleurs hits? Eh hey boy! Direct dans le trash. Direct dans le trash. On s'est inventé une nouvelle émission de succès, de chansons qu'on aimerait pas. Mettons, si on avait animé une émission comme ça, ça s'appellerait Direct dans le trash. Direct dans le trash. Un peu comme quand tu mets un filtre dans Gmail pour que tes courriels. Ça arrive direct dans le trash. Parce qu'on a décidé que quelqu'un t'envoyait du Groupon.com 6 fois par jour dans tes courriels. Oui, d'ailleurs, il va avoir un blog, ça va s'appeler 6 fois par jour. Ça va être des recettes de Groupon. Que du spam. Non, mais pareil comme Twango, sérieux, c'est parce que là, lâchez prise un peu, c'est trop là. Ouais, c'est trop. C'est trop. Bref, sur ce commentaire éditorial technologique à tendance geek, oui. On passe aux 7e places du côté anglophone. Quoi? Ça nous arrive des fois. De même, juste ben comme oui. ça. Ben oui. Sans avertir. Même. Donc, la 7e anglophone, c'est The Pack 80 et Airborne, qui a duré 9 semaines, qui a été seulement numéro 2, mais pendant 2 semaines, du 31 mai au 6 avril et du 7 au 13 avril. Mm-hmm, Mathieu, c'est bien. Côté francophone. Merci, JP. Côté francophone, 7e position, c'est on a créé un monstre avec le corps est lourd. C'est resté. On s'en va dans un blitz de 9 semaines, je vais te dire, du côté francophone. Donc, c'est resté avec nous 9 semaines dans le palmarès et c'est monté jusqu'à la première position. Wow. 9 au 15 décembre. Faites le mort parce que le corps est lourd. Comme un ours, lourd. C'est un lourd. L'ours. Corps est plutôt rare. Corps est l'ours. Ouais, je pense que je vais faire des liens après. Excentricité. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. 7. Katie et Airborne, 7e place du côté anglophone pour l'année 2014. Leur album est Do Not Engage, ça a été numéro 2 les semaines du 31 mai et du 7 avril. Oui, côté francophone 7e, hein, en 2014 également. On a créé un monstre avec Le Corps et lourd, c'est resté 9 semaines dans le palmarès, c'est fou. Et c'est monté jusqu'à la première place du 9 au 15 décembre, Mathieu, puis ça vient de la... ça s'est tiré en fait de l'album La Dérive. Je te crois pas, je te dis, c'est marqué sur ma feuille. Ben c'est sûr que c'est dit sur papier, noir sur blanc. Sur mon télésouffleur. Ah oui, oh wow. Oui. Est-ce que t'es dans, comme dans Cyrano de Bergerac, là, t'as quelqu'un qui te souffle ton texte en arrière, c'est plus ça toi. Oui, puis je me fais poser un gros nez. Check, à chaque fois que je tourne la tête et au micro, ça fait ça. Attends un peu. Attends un peu, je vais tourner la tête. Wow. C'est mon nez qui cogne. Hey, les effets sonores. Hein. C'est incroyable. Hey, on est comme le zoo du matin. Là. Il y a sûrement des cymbales, des crickets et tout ça. Oui, tout. En backstore. Tout. Ah. Donc, tu l'as dit, c'est le palmarès de l'année 2014. Donc, c'était fou en 2014. On est rendu dans le top 10 et même qu'on va entrer bientôt dans le top 5. Mais oh! on est encore à quelques instants, en fait. Parce qu'en 6e place, du côté anglophone, ce sera Broken Bells et Holding On For Life, qui était numéro 1 la semaine du 31 mars. Et côté francophone, 6e place, c'est resté 9 semaines encore. Comme je l'ai dit, c'est un bon blitz de 9 semaines. C'est monté jusqu'à la première place du 2 au 8 décembre. C'est Jacques Mort avec Adieu Méchant. C'est tiré de l'album La Montagne de Feu. Et on va se rappeler encore, on va retourner un petit peu en arrière, puisque Jacques Mort était également dans le palmarès 2014 avec Père Hippie en 12e place francophone. On l'a vu dans la dernière édition du palmarès partie 1. Précédemment dans les palmarès. On va écouter Jacques Mort avec Père Hippie. Hey! Et maintenant, dans les palmarès, on va écouter Jacques Mort avec Adieu Méchant. Je m'épuise moi-même. Aïe, aïe, aïe, JP. Oh. Tu mets de l'effort, c'est bien. Oui, je mets de l'effort, mais pas à bonne place. take a seat. Rest your weary bones. Your secret's safe in my hands. Tell me about the years and let me buy an hour. Maybe help me to understand. C'était Broken Bells et Holding On For Life en 6e place anglophone sur l'album After the Disco. Ça a été numéro 1 la semaine du 31 mars 2014. Côté francophone, top 6 2014, Jacques Mort avec Adieu mes chats. C'est resté 9 semaines et c'est monté jusqu'à la position numéro 1 dans la semaine du 2 au 8 décembre. C'est tiré de l'album Les Montagnes de Feu. Vous êtes assez fou en 2014. C'est bonne. On vous présente le palmarès, le top 25, mais cette fois-ci plus le top 10 dans cette deuxième partie de l'émission. C'est-à-dire qu'on va arrêter ici. C'est ça. Mais n'ayez crainte. Non, n'ayez crainte. Dans 1h10 environ, on va revenir avec le top 5. Entre les deux, on va se garnir de nos pièces préférées de l'année qui ne sont pas dans le top. Ah oui, on a décidé que ça serait comme un genre de iPod battle. Genre, on essaie de se battre l'un l'autre. Ouais, c'est ça. Puis on va essayer de répliquer. On va essayer de répliquer par des chansons. Ouais. Ouais, puis tout freestyle. Bien. Vraiment, ça, en plus, on va faire des raps genre « Hey, ta mère, nanana », tu sais, genre... Puis tout, oui, tout, ça va être ça. Incroyable. Comme Eminem. ou pas. On verra, à vous de juger. Comme on a le temps en ce moment, cette fin de première heure de cette deuxième partie de CD Fou en 2014, on va retourner en fait à l'année passée, en 2013. J'ai l'impression que ça fait un an. Ça fait plus ou moins exactement un an. À ce moment-là, JP, c'est pas toi qui co-animais l'émission, donc peut-être que tu te rappelleras pas de ces pièces-là, mais le numéro 1 francophone, c'était Violette Pie. Violette P, ben oui. C'est bon, c'est avec Fleur de Londres qui était numéro 2 seulement. Étrangement, le numéro 1 de l'année n'a jamais été numéro 1 d'aucune semaine de l'année 2013. Ah, c'est surprenant. Donc numéro 2 pendant deux semaines, du 11 au 24 février. Et du côté anglophone, celui-là, j'imagine que tu t'en rappelleras pas, c'est Imaginary Cities. Ben, je me souviens du nom. Okay. Mais peut-être dès que je vais entendre les deux premières notes, je vais commencer à groover. Exactement. La pièce s'appelle Sooner or Later. Oui. Oui. Sooner or Later. C'était numéro 1 sur l'album Fall of Romance par la semaine du 23 au 29 août. La chanson de Violette P, c'est Fleurs de Londres. Hein? Fleurs de Londres, exactement. Est-ce que ça va comme suit? Dans les Fleurs de Londres, Tom Tilly. C'est un top 2014, faut mettre. Des reggaetons. Faut mettre ça au goût du jour, hein? En 2014, on s'entend que c'est ça le plus populaire. Ben oui. Ouais, ouais. On écoute Fleur de Londres, Violette P. C'était fou. En 2000, dans ce cas-ci, 13, mais on est en 2014. Noble oui, c'est pistache, ça. Fleur de fruits. Ton jardin de rhubarbe me plaît tout entier. J'en paradigme, j'en paragraphe, j'en parle souvent. Je t'apostrophe entre mon cerveau et ma langue. L'amnésie en journée de ciel. Notre fleur d'atomique sans cesse s'incruste sur mes disques durs. M'oublies-tu sur tes disques durs? M'oublies-tu? Fleur de Londres, fleur de Londres, voudrais-tu prendre le thé? Fleur de Londres, voudrais-tu prendre le thé? Artefact, pelure de linge et l'or s'enfuit sur ta montre sans chiffre. La journée t'amuse, elle ne finira jamais. La journée t'amuse, elle ne finira jamais. La journée t'amuse, elle ne finira jamais. Et ton joli visage ne faut jamais te lever. Imaginary Cities et Sooner or Later, c'était le numéro 1 l'année dernière, donc en 2013, et ça a été numéro 1 la semaine du 23 au 29 août 2013. Mm-hmm. Côté francophone, c'était Violette P, je crois bien, avec la chanson Fleur de Londres. Fleur de Londres, Fleur de Londres, Fleur de Londres. Et ça, c'était numéro 2 pendant deux semaines, du 11 au 24 février. Mm-hmm. C'est tout pour cette portion, cette première heure de Stéphane en 2014, deuxième partie. Mm-hmm. On aura Stéphane en 2014, deuxième partie de la deuxième partie, dans quelques instants. Avec nos palmarès personnels de l'année, mais pas vraiment de position attitrée. Là. Non, bon, on en a mis une chose pour dire, mais moi, c'est vraiment juste pour me mettre des repères, lesquels que je joue en premier, ma stratégie, tu sais, est-ce que j'ai commencé fort pour t'intimider ou je vais y aller crescendo. Aïe, ça va être comme au rock abyssique, cette histoire-là. Pareil. Après rock classique, ce sera rock abyssique. Restez là. C'est dans deux minutes. Après. Merveilleux. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Bon, vous êtes toujours à C'était fou en 2014, deuxième partie de la deuxième partie. Présenté par les palmarès. Et lui, c'est Jean-Philippe Chabonneau. Et lui, c'est Mathieu Plante. On ne sait-tu pas où on s'en va dans cette émission-là, mais c'est ce qui est la beauté de la chose. Oui. Et dans cette deuxième partie, la deuxième partie, le milieu, du milieu, je mélange les choses pour rien, là. Mais tu sais, dans un Ferrero Rocher, là, ça serait vraiment une partie délicieuse. Vraiment, là, si vous êtes en liché le bout des doigts, sans cesse. Donc, on va vous présenter dans cette portion de l'émission nos palmarès à nous, nos pièces préférées de 2014 qui ne sont pas dans la rétrospective officielle. Oui, à part peut-être quelques-unes. Oui, ça arrive. Ça arrive, mais on a pris soin de que ça soit pas dans cette partie-là, puisque vous avez compris que partie 2, il y a une partie 1, comme Le Seigneur des Anneaux, mais au lieu d'en avoir 3, nous, on en a 2. Puis ça dure pas 6 heures. C'est ça. Genre. Donc, voilà, il n'y a pas d'ordre précis, qu'on s'est dit. Moi, j'ai mis un petit ordre parce que, bon, j'ai essayé de classer quand même dans mes préférés, mais entre 1 et 2 et 3, tu sais, des fois, il n'y a pas de différence. C'est ça. C'est comme donner une cote de 7,5 sur 10 ou de 8 sur 10. Y a-tu vraiment une différence? Exactement. C'est ça. Donc, on va un petit peu varier le format de bloc en bloc. On va s'amuser. On va vous stabiliser un peu, mais on va vous mettre de la vraiment bonne musique. Mais je pense qu'on va commencer avec toi, JP, je te laisse commencer. Ok, excellent. Mais écoute, on va commencer. On a dit qu'on y allait peut-être vers de nos préférés un peu moins, mais tu sais, on est dans un top 15 de l'année 2014, fait que c'est pas mal tout ce qu'on a aimé, je pense. Pas mal ça, ouais. Donc, il n'y a rien de mauvais. Donc, on commence tout de suite avec Philippe Brac et Dans ma tête, c'est resté 7 semaines dans le palmarès C'est fou 2014. On écoute ça maintenant? Oui. JP. Puis je vais te dire c'est quoi la prochaine après. Ok. On est bas. Dans ma tête, on est une gang à se partager la fête. On est ben dans ma tête. Tout le monde se parle, personne s'écoute, mais asti qu'on est ben dans ma tête. Y'a juste une chaise pis y'a pas de musique. Tout le monde se baisse quand j'prends la statique. J'veux pas finir comme mon vieux père dans un asile à chercher mon air. C'est plus facile. J'irai jamais tout seul sur mon île, entouré par une bande d'avoriens qui aiment ça pleurer pour rien. On est bas dans ma tête. On est une gang à se partager la fête. On est bas dans ma tête. Des fois il peut manquer un boulon. Des fois on fait juste ce qui nous tente. Des fois on est continuellement con sur le double fait de 40. Dingo. On rappelle que ce n'est pas une carte pleine. On joue seulement dans les quatre coins. Seulement les coins. On reste un coin. J'avoue c'est difficile. J'suis pris dans le piège, j'suis vieux scellé. Encerclé par une bande d'historiens qui aime ça me rappeler pour rien. Comme une fleur de tournesol. Ben quoi c'est rare que j'encule mon heure ou que je parle le nom de ma boussole. Non, dis pas.

marcher vers le son, blinded by the lights. Chercher la même chanson, my whole damn life. L'Ordinary Edges avec Rien ne va plus, c'est dans mon top 2014 personnel, moi, Jean-Philippe Charbonneau. Oui, tu précises ça parce que c'est clairement pas dans le mien, mais non, dans ce genre, c'est bon. Exactement, exactement. Donc, vous mentionnez que c'est resté 5 semaines avec nous dans le palmarès C'est fou en 2014. Et tout juste avant, on a écouté Philippe Braque avec Dans ma tête. Celle-ci est restée 7 semaines avec nous dans le palmarès. Lui a joué en Titi à C'est fou, c'est bien ça, j'aime oui, ça. Oui, Philippe Braque, je pense qu'il y a 3 ou 4 chansons qui s'est retrouvées dans notre palmarès. Donc, oui, exactement. On a tordu le disque. Oui, exactement, jusqu'à la dernière goutte. Voilà. Moi, pour t'affronter dans cette bataille sans merci, qui est cette liste personnelle de nos hits de l'année, qui ne sont pas dans les palmarès de l'année officielle de C'est fou, mais qui ont joué dans les palmarès, je t'en présente 2 aussi. Tout à l'heure, il y aura Tough Mitts. Mm-hmm. Je sais pas si tu te souviens de ce succès éphémère de Tough Mitts. Mais avant ça, un autre succès éphémère, celui-là de Bruncho. Ah, mon Dieu, oui. Ah oui, c'était bon, ça a duré cette semaine. Et puis ça a débuté la semaine du 29 septembre. Donc voici Class Historian de Bruncho, 89 FM. C'était fou en 2014. Single mom. Satan's a rascal. This only contributes to lies. Insinuations of beta and masculine. Alpha's just a term for you. Ordinary gents. I'll be a bitch and I'm living in sin. If you tell me if it's into the hive. This living liquid is livid with estrogen. And nothing ever seems to make sense when you didn't rhyme. I've had requests to take a hotline. Guilt to keep it in mind, mind. A solid dollar in the barrel is all mine. Robbing for apples is a sexless grind. For I'm a pedigree, I'm just a peony. I'm so unhappy that when I'm alone, I feel okay. Comfort comes. And crumbs de Tough Meat. Ça a été ça a duré cette semaine, en fait. Ça a fait son début dans le palmarès la semaine du 14 avril, et juste avant c'était Class Historian de Brown Show qui a entré dans la semaine du 29 septembre, et qui a duré cette semaine. C'est pas la formule habituelle comment on dit les choses, donc c'est mêlant un petit peu. Oui, ben c'est correct, on s'arrange grâce à un papier crayon, hein. Ça c'est la magie de la chose. C'est ça, très, très bon, très bien, très bonne réplique, Mathieu. Merci. C'est bien répliqué, plus, wow. Plus indie, tu disais un petit peu. Ben, je pense que le son est caractéristiquement moi. Oui, parce que ça va pas mal être comme ça tout le long. Mes choix se ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben, tu vas voir, moi, je suis un peu plus disparate dans mes choses. Je suis allé vraiment avec un peu de tout, sans vraiment style particulier. Donc, écoute, je vais te répliquer avec une chanson qui n'est vraiment pas restée longtemps dans le palmarès, okay. Mais pourtant que j'ai adoré. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui m'a accroché dessus. Donc, c'est Caribou avec Our Love. C'est resté 3 semaines uniquement dans notre palmarès. Donc, allons écouter ça. On fait ça une tournée à la fois, on fait ça? Ah, ça, ben on peut, ben oui. Ah, okay. Oh, non, on y va, c'est une longue pièce en plus que tu as choisie. Est-ce que c'est une de celles qui nous intéressait surtout par ses propos? Oui. C'est celle-là, hein? Oui, exactement. Celle-là, oui. Dantier. C'était Fort 2014, nos choix personnels. Ah, c'est fou. Thank you. Don't you? Caribou avec Our Love, c'est resté 3 semaines sur notre palmarès C'est fou. En 2014, c'était mon choix personnel. Voilà Mathieu, c'est ça, je suis allé un petit peu plus avec des dentiers. Des dentiers et des Alain. Oui. Alain, dentier. C'est ce qu'on entend depuis la première fois qu'on l'a entendu, cette chanson. C'est vrai. Ouais. Et c'est pour ça qu'on l'adore, je pense. Voilà. Ben, ouais. Ah, mais là, moi, je pense qu'il va falloir une pause parce que si je veux répliquer à ça et faire mieux, je vais avoir besoin de penser un peu. OK, pas de problème. On prend une pause. Je te laisse ça. Merci. Toujours à C'était fou en 2014, présenté par les palmarès C'est fou. Oui, monsieur. Oui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Oui, c'est Mathieu Plante. Juste avant la pause, tu nous as donné une pièce de Caribou. Comme ça, en cadeau. Oui, c'est très gentil de ta part, mais moi, je dois te battre. Et pour te battre, j'ai choisi... OK, go. Ben oui. Il va fort. Voici Bright As Your Eyes. Au 89 FM. OK, go away, Bright As Your Eyes. Au palmarès, c'est fou, c'était mon choix personnel. Et ça, ça a duré... c'est toujours présent dans le palmarès en ce moment. Ça a débuté la semaine du 20 octobre dernier. Intéressant. Ouais, pas pire. Et puis là, écoute, j'essaie de suivre mes chiffres. Oui, tout à fait. Tu sais exactement ce qui s'en vient, Mathieu. Oui, je le sais. Parfait. Ça m'excite au bout. Moi, j'étais plus certain là, où est-ce que je m'en allais. Excellent. Je vais essayer de battre ça également. OK. Je vais y aller avec une pièce qui est restée quand même assez longtemps. que je pense pas qu'on va retrouver une autre fois dans le palmarès. Non, d'après moi, l'artiste a fait son temps chez nous, mais oui, on l'apprécie mais quand même. Malheureusement, pour... Ben, c'est ça, ou heureusement. Heureusement pour lui, malheureusement pour nous. Voilà, exactement. Ouais. C'est ça que je cherchais. Ouais. Mais je cherche mes mots, là, tout à coup. Donc, on va écouter Alex Nevsky avec Mieux vaut vivre pauvre, okay. Qui est resté cette semaine. Je pensais que c'était la chanson thème des vaches, genre Mieux vaut vivre mieux. Mon choix va être meilleur que ma présentation. D'accord, bon, on écoute ça, Alex Nevsky au palmarès, c'est fou. C'était fou en 2014. Rêvé de Rodana, Nahé de Bob, on se prend par les cornes, on s'envoie dans les cordes. Si le soleil sort, mieux vaut réchauffer nos corps. Si l'abstinence est d'or, mieux vaut vivre. Dans Mister Valère feat Karim Ouellet. L'amour est un monstre. C'est resté 6 semaines au palmarès 2014. Mon choix, Mathieu. Bravo, bon choix. Oui. Comme toujours, en fait, toute la liste au complet, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est de la bonne musique. Hein? Ben, jusqu'à maintenant, ça va bien. Ça va très bien. Moi, pour affronter Karim Ouellet et Mister Valère, il faut que je trouve aussi quelque chose de gros quand même. D'un côté, c'est un groupe que je trouve quand même assez gros. C'est gros dans l'indie. OK. C'est Set the Well. Ah oui. Avec Willow, tu veux dire. Willow. Willow, low, low, low. Donc, je t'envoie ça. Puis après ça, ben, ce sera une de mes pièces que j'ai. Je dirais pas que c'est une de mes pièces préférées en tant que telle, mais je l'ai eu dans la tête vraiment beaucoup. Oui. Donc, j'ai fini par l'adorer comme pas possible, tu sais. C'est celle de Sleeper Agent. Mm-hmm. Be Brave. Et Willow, j'ai failli la mettre, Mathieu. T'as fait la mettre dans le moment? Oui. Qu'est-ce qu'on a pensé proche? À ça. Oui. On voit pas mes doigts, là, mais à ça. Ils sont proches. Oui. C'était fou en 2014. Ils sont proches. Ils sont proches. Once upon a week ago I thought this, and I promised that I never would repeat it, but I know, so you know, I've never been one to reveal a secret, but if you hear it somewhere else you won't believe it, so it goes, here we go, Sleeper Agent avec Be Brave. Ça a entré dans le palmarès la semaine du 14 avril, ça a duré 7 semaines. Et avant, je vous ai fait entendre Set the Whale avec Willows, qui a duré aussi 7 semaines et qui a entré le 6 janvier. Super Mathieu, très bon duo, très bon choix. Je répliquerai avec une chanson francophone cette fois-ci, qui est restée 8 semaines de notre côté palmarès 2014, c'est Chien Noir de Caravane. Je pense qu'on va y aller une par une, donc dans le même bloc, vous entendrez la chanson que j'ai choisie pour affronter celle de Caravane. C'est Haim avec The Wire. Ça, c'était vraiment bon. On se claque ces deux pièces-là, puis on va voir qui gagne. Peut-être. Non, il n'y a pas vraiment de pointage là-dedans, je pense. Non, c'est une chance. Au pire, on peut jouer à Je gagne. Ok, et c'est quoi ça? Ben, je gagne. Ah, ben, je gagne. Okay, je gagne aussi, alors. Non. Non? Non, tu comprends pas. Je vais te l'expliquer hors d'onde. Ok, parfait. Merci. C'est dangereux quand y'a la lune et y'a tes yeux. Je rêve d'une route qui finit plus. Dis-moi que je suis pas trop vieux pour ça. Je veux pas ton black dog, mais ta fucking chien. Je veux pas ton black dog, mais ta fucking chien. Qui je suis, mais je sais ce que je serai jamais. Je sais pas trop qui je suis. Je peux pas toujours être qui t'a envie. J'ai le goût de sacrer mon cœur d'ici. T'es la plus belle quand tu souris. J'ai plus de ciel, j'ai plus d'eau. Opportunities, I try to stay true to you and I try to do what you wanted from me. gonna be okay anyway. Always keep your heart loud, tight. Don't let your mind read that. Oh, but I just couldn't take it. I tried out and I to beg it, but I fumbled and I won the game down to the wire. It felt right. It felt right. But I fumbled and won the game down to the wire. It felt right. It felt right. But I fumbled and won the game down to the wire. Always keep your heart locked tight. Don't let your mind read that. Always keep your heart locked tight. Don't let your mind read that. Oh, but I just couldn't take it. I tried out and I got to beg it, but I fumbled and when I came down to the wire. But I just couldn't take it. I tried out and I got to beg it, but I fumbled and when I came down to the wire. Et The Wire. Ouh. Et moi, oui, monsieur, vas-y, excuse-moi. Ah, j'allais dire que ça... Ça fait son entrée la semaine du 27 janvier, ça a duré 7 semaines. Mm-hmm. Moi, ben, en fait, j'ai pas répliqué. Tu as répliqué ma chanson qui était Caravane, Chien Noir, et c'est resté 8 semaines. Ouais. Mais enfin, on va devoir arrêter de se répliquer parce qu'on va manquer de temps. Donc, ben faut, oui. Faut faire des choix communs. Oui, on a trouvé un consensus. Un consensus. oui, puisqu'on va être obligé de laisser passer quelques chansons. On avait fait un top 15 chaque. On a vu trop grand. Oui, vraiment, on avait les yeux plus grands que la panse. Donc, toi, qu'est-ce que tu nous feras pas entendre, mais que tu as considéré? Oui, ben, donc, on en a passé quelques-unes. Il y en a qui étaient dans le palmarès partie 1, pour ceux qui nous ont écoutés ben, avant, partie 1. Donc, on avait The Cat Empire avec Wild Animal, chanson que j'ai adorée. Oui. Vraiment, je pense que tu te souviens, je l'écoutais sans cesse. T'arrêtais pas, c'était gossant quasiment. Presque. Non. On avait Soweto de Jobin, oui, qui est resté 8 semaines. Piff Paff Hangover, 12 packs, 8 semaines également. Les Hey Babies, Fil de téléphone. J'avais Philippe B, Ornithologie. Philippe B, je pense qu'il y a une autre chanson également qui était dans le palmarès, si ma mémoire est bonne, mais je me souviens plus laquelle. Okay, oui. Owen Palette, que j'ai vraiment adoré, un beau coup de cœur. Song for 5 and 6, qui est resté 5 semaines. Et puis Orange au Clock, qu'on n'aura pas le temps d'écouter, qui est en ce moment même sur le palmarès normal. Oui, au moins on va la réentendre. Oui, donc on va la réentendre, Home Run. Et puis finalement, ben, y avait Debbie Tebbs avec Hop, que j'ai adoré. Et toi aussi, Mathieu? Oui, moi aussi, je l'aurais choisi. Sinon, moi, j'avais de mon côté aussi Peppa Hangover, mais avec la pièce Whatever Works, que j'ai préférée à l'autre. La Bronze, que j'ai beaucoup aimé avec La Jeunesse Féline du mois de juin. Très bon choix. Ouais. Jack White, Lazaretto. Ouais. J'aurais aimé ça. Je l'avais presque mis. Ah, on est passé ça. Encore? Ouais. Et finalement, Beatings par le groupe Cause. Ça passait un petit peu inaperçu au mois d'octobre. Ça a duré 5 semaines, mais je l'ai beaucoup aimé aussi. Bon, superbe. Donc, on les entendra pas. On s'est entendu sur... Par exemple, oui, on s'est entendu sur une chanson qu'on finirait avec. Donc, une chanson qu'on a adorée tous les deux. Peut-être l'album, tu dirais presque album de l'année pour toi, 2014. Même, je dirais, un de mes albums préférés depuis que je suis arrivé à C'est Fou. Donc, oh, quand même. Beaucoup Royal Canoe. Quand même, donc voilà, c'est Royal Canoe avec la chanson Today We're Believers. C'est de l'album, je pense, Nevado, si ma feuille ça est bien faite. Je ne suis pas convaincu. Non, c'est l'album. L'album s'appelle Today We're Believers aussi. Ouais, ah, donc c'est ok, ben voilà. Voilà. On écoute ça. C'était Fou en 2014. C'est nos choix personnels. Mm-hmm. Enfin, un consensus. Un consensus, ça c'est bien ça. De temps en temps. C'est bien le consensus ça. Oui. Mm-hmm. on fait pas ça d'habitude, mais je pense qu'on s'interrompt parce qu'on a peut-être mal fait notre consensus. L'album Today We're Believers a été sur le palmarès, mais cette pièce-là ne l'a jamais été, donc ça compte pas. Non. Puis là, on voulait pas finir comme ça l'année. Non. Il est hors de question qu'on finisse sur une petite note amère. Oh, puisqu'on avait des attentes qui dépassent facilement la Tour Eiffel. La pièce qui était sur palmarès, une des nombreuses pièces, a été Bad Tubs. Birthday? Ben, Birthday ou Bad Tubs? Birthday. On les met toutes en même temps. On met Birthday, on met Bad Tubs, on met Hold On To The Metal, on met Just Enough, et ça donne ça. Si vous appelez maintenant pour nous dire tous les noms des... vous gagnez 5000 piastres pour vous! Oui. Non, ce serait beaucoup trop. Beaucoup trop. On va juste entendre... Finalement, Mathieu, je te laisse le choix final de la chanson. C'est bien Birthday qu'on s'en entend. Ah, super. Bien. Allons-y. Notre choix commun à Jean-Philippe et moi, c'était Royal Canoe. Oui, avec la chanson Birdie. Ouh, ça va être la fin de cette portion d'émission, notre portion personnelle. Très intéressante. Ah, mais ça, on a aimé ça, je pense. On annule les palmarès, c'est fou, puis on fait juste des combats des... On pourrait appeler ça le combat des clips. Combat des clips, ben oui. Ouais, puis il pourrait y avoir un bloc là-dedans où on n'aime pas les CD, puis on appelle ça cimetière des CD. Oui. puis on joue du rock, on appelle ça solid rock. Oui, ça pourrait être correct. On ramène toutes les affaires de Musique Plus. Ah ouais, avec pince à raisin. Ouais, ben c'est ça. Ben c'est pas à Musique Plus qui vont passer de la musique, quand même. Ben non. Ben. Au retour, c'est la portion top 5 de cet effort en 2014. On va enfin savoir qui est au sommet de la liste des deux bars. notre grand, grand gagnant. Ça dépasse la Tour Eiffel, comme t'as dit tantôt, je pense. Oui. C'était vraiment parfait, ça. Ouais, je sais pas pourquoi la Tour Eiffel. Ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Genre, un grand gars. Hey, les miroirs dépassent le grand gars. La stratosphère. Hey, Stratos, parle-moi pas de ça. Ah, ça y est, c'est reparti. Source originale, et bon, restez là. Exploration. Sur le campus à Trois-Rivières, c'est le 85. C'est fou. Bon, retour sur la portion top 5 de C'était fou en 2014, présentée par les Panoramas. C'est fou, c'est la deuxième partie. Et lui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Oui, et la première partie, Mathieu Plante. Ah, voilà. Donc, c'est la troisième. C'est la troisième partie de la deuxième partie. Oui. De l'émission. Exactement. Voilà. Il y a deux lieux maintenant. Ça, en ce moment-là, c'est là qu'on se parle. C'est là qu'on se parle. En direct ou encore directement, dépendant, parce que ouais. c'est pas mal en direct. Des fois, il y a une nuance. C'est ça. Donc, on est rendu dans le top 5 de l'année 2014 au complet. C'est là que ça se passe. C'est là qu'on va apprendre qui est au sommet. Tantôt, on a regardé ce qui s'est passé l'année passée au sommet. Oui. C'était cool, mais c'était pas très présent. Oui, mais c'est sûr que c'est pas ça cette année. C'est rarement deux années de suite la même affaire. Oui. Et en fait, c'est rarement des choses qu'on s'attendrait à ce que ce soit au sommet. Parce qu'on doit vous rappeler que c'est en termes de nombre de semaines. Oui, c'est vrai. Et non pas en termes de préférence ou de ce qu'on a apprécié le plus, c'est vraiment ce qui a duré plus longtemps. Et ce qui dure longtemps, d'habitude, c'est pas nécessairement le meilleur. Parce que quand ça dure, quand mettons quelque chose est vraiment bon, ça va durer 7-8 semaines et on va passer à un autre extrait pour avoir le plus d'extraits possible dans le palmarès. Donc si ça reste longtemps, c'est que c'est souvent un One Hit Wonder. Souvent, ça a duré longtemps, mais on n'avait rien d'autre sur l'album à mettre, donc on l'a laissé durer. T'sais. Ouais, ben j'ai hâte de voir. On va le savoir d'ici la fin de l'émission, dans une heure environ. Donc en cinquième anglophone, ce sera Sebastian Granger avec Going With You, qui a été numéro 1 la semaine du 13 janvier 2014. Et en francophone, on va commencer notre top 5 avec Pépé et sa guitare, avec l'extrait Sapu. C'est resté 9 semaines, c'est monté jusqu'à la première position, Mathieu, du 10 au 16 mars. C'est tiré de l'album Engagé. Ah, c'était fou, en 2014. Ok, Sapu. Ok, Sapu. Ça pue? Non. Ça pue. Ça pue. Ça pue. Ça pue quand tu parles. T'as beau te brosser les dents, t'as beau te passer la soie, c'est dans ta voix. Ouais, ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Prends de la place, personne t'écoute, même quand tu parles trop fort. C'est qu'ils osent pas te dire de te la farmer, mais moi je fais un effort. Ouais, ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles. Ouais, ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles. Commentaire méchant, ton potinage pour moi c'est du vent. Un vent mauvais. Tu coupes tout le monde, tu cries pour rien, y'a juste toi qu'on entend. En autant que personne parle de toi, tu penses qu'on est content. Mais ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles. Ouais, ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. La prochaine fois, t'as le coup de parler. écoute-toi, raccroche-toi pas. Trouve ce qui pue, dis-moi quand t'es rendu. Mais là, fais quelque chose, parce que ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles. Ouais, ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles. Ouais, je m'excuse, mais tu sais pas de quoi tu parles. Tu sais pas de quoi tu parles, ça pue quand tu parles. Ouais, fais quelque chose, parce que ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles. Cinq. Imagine Granger et Going With You, ça a duré 9 semaines, ça a été numéro 1 la semaine du 13 janvier 2014 sur l'album Yours to Discover. Et côté francophone, Pépé et sa guitare avec la chanson Ça pue, c'est resté 9 semaines, c'est allé jusqu'au numéro 1 dans la semaine du 10 au 16 mars, c'est tiré de l'album Engagé. Pépé! Pépé et sa guitare. Il a dû boire beaucoup d'eau pour tout à fait Pépé de même. J'imagine, je sais pas. Au moins deux verres. Au moins. Dans les deux dernières heures. Deux verres rouges, mettons. Deux gros verres rouges. Gigantesques avec plus trois cafés. Le logo du... Festival urbain, mettons. Festival urbain, mettons, on va le dire des affaires, tu sais. Ben, on pourrait pas inventer ça. Ben non, ça s'invente pas, ça se scripte pas des gags de même. Position numéro 4, anglophone, ça a aussi duré 9 semaines. En fait, c'est pas mal le cas pour la plupart de nos pièces, sauf le numéro 1. Donc, 9 semaines, ça a été le numéro 1, la semaine du 26 mai au 8 juin, sur l'album Snapshot, pas Snapchat, j'allais dire Snapchat, The Stripes, avec You Can't Judge a Book by the Cover, en anglophone. Et du côté francophone, même chose, Mathieu, c'est resté 9 semaines et c'est monté jusqu'à la première place du 10 au 16 février. C'est David et les Bois avec la chanson Scaphandre, c'est tiré de l'album David et les Bois. Hey David, bois ton eau. David et les Bois, ton eau dans un verre rouge. Puis après ça, tu vas faire Pépé et sa guitare dans les bois. Hey, c'est... David. Ah, dans les bois. Oui, hey, ça va ensemble. Mais faut pas que tu fasses ça dans ton scaphandre parce qu'il pourrait se remplir. Là, tu pourrais dire, ça pue. C'était fou en 2014. Je croyais que je t'aimerais toujours. Quand dans mon scaphandre, le temps n'existe plus. J'étais sous l'emprise de ces. Sur le grand boulevard, les éclairs ont fait des stries de sang dans mes yeux, qui s'inondaient plus mon scaphandre dépressurisait. Tu fus une illusion dans ma bathysphère. Tu fus illusoire dans ce bathyscaphe de maison. Je t'oublie lentement, remontant à la surface, plongeon par plongeon. Je t'oublie sûrement, montant à la surface, plongeon par plongeon. Et Going to Hell sur leur album Going to Hell. Sur la... Non, en fait, c'était The Stripes. Hein. Grosse erreur de ma part. Oh hein. Oh. The Stripes! Attends un peu. Je suis capable de faire ça? J'ai-tu les doigts assez rapides pour ça? Et You Can't Judge a Book by the Cover pour ce numéro 4 pour l'année 2014 sur l'album Snapshot. Ça a été numéro 1 la semaine du 26 mai. Côté francophone, David et les Bois, c'était la chanson Scaphandre retirée de l'album David et les Bois. C'est resté 9 semaines et monté à la première position du 10 au 16 février. Ok, oui. On est rendu au position numéro 3 maintenant. Oui. Ça avance vite, là. Ça veut dire qu'on va toucher le sommet bientôt. On va pouvoir remonter à la surface, reprendre notre souffle. Ah, voir, enfin respirer. Voir, mettons. Oui. Donc, du côté anglophone, ça me dit quelque chose. Je pense que quelqu'un l'avait annoncé précédemment, peut-être moi. C'est The Pretty Reckless avec Going to Hell. Tu te rappelles de tantôt. Oui, tout à fait. Oui. Et côté francophone, on va écouter Fontarabie. C'est la chanson Forcée à quitter. C'est resté 9 semaines et c'est monté jusqu'à la première position du 26 mai au 6 juin. Une toune d'été. Exactement. Peut-être. Ben oui, ben, c'est pas mal ça. Même que c'était dans la publicité des palmarès assez fou à ce moment-là. Tellement c'était bon. Donc, Forcée à quitter tout de suite. C'est fou en 2014. Yeah. croire. Freddie Reckless, c'est Going to Hell. Ça a duré 9 semaines. C'est la troisième position de l'année 2014 en anglophone. Leur album est Going to Hell et ça a été numéro 1 la semaine du 9 juin 2014. Même son de cloche un peu côté francophone. C'était Fort Arabie avec Forcé ou Quitté. C'est dans l'album Single. Et puis c'était là 9 semaines et c'est allé à la première place le 26 mai au 6 juin. Hey, c'est toute l'information, tout ça. C'est fou. 89 FM. plein d'informations. C'est fou d'informations. C'est fou, fou d'informations. Voilà. Nouveau slogan. Et voilà. Dorénavant. On approche du numéro 1. Il nous reste encore un bloc avant de passer au numéro 1. Mm-hmm. Ça veut dire que, d'après moi, on devrait avoir le temps de retourner à nos choix personnels. Ah, oui. Tonton, yeah! Je sais pas quoi mettre, mais écoute, on verra. Ben, ça. Oui. On verra ça tantôt. C'est ça. Donc, du côté anglophone, la deuxième place est occupée par la pièce Chicken on Clark. Ça, c'est un succès éphémère, mais quand même assez marquant. Tu vas la reconnaître une fois qu'elle aura commencé à jouer, je te dis. C'est par Lederhosen, Lucille et Kristen Muir sur l'album Guten Tag Gemini. Et ça a été numéro 1 la semaine du 17 février 2014. T'es content de pas avoir eu à le prononcer, ça? Oui, quand même. Côté francophone, Jacques Mort avec Squelette de bois, c'est resté 9 semaines. Et puis, c'est resté 3 semaines, Mathieu, au numéro 1. Donc, la semaine du 3 au 9 mars, la semaine du 17 au 23 mars, ainsi que du 31 au 6 avril. Donc, on est rentré-sorti. Et puis, juste rappeler rapidement que Jacques Mort était également numéro 12 avec son extrait Père Hippie. Ah, c'est bien vrai. Et moi, également, hein? Adieu, mes chats. Arrête-moi. Hein? Trois fois. Trois fois? Oui. C'est ben trop, t'as ben trop raison. C'est vrai, trois fois dans le top 12, quand même. Ouais, quand même. Ouais. Non, moi, je suis sûr que ça se prononce Jackie Mort. Jackie Mort. Avec Squelette, Douce Boys. Puis c'est tiré de l'album Montagne, c'est de fou. Exact. C'était fou en 2014. Squelette de bois, êtes dans la zone 89.1. Deux. Lederhosen, Lucille, Kristen Muir avec Chicken on Clark sur l'album Guten Tag Gemini. C'était numéro 1 la semaine du 17 février 2014. Et côté francophone, notre numéro 2 de 2014, Jacques Maure avec Squelette de bois. C'est resté 9 semaines et ça a été numéro 1 pendant 3 semaines, Mathieu, non consécutives, du 3 au 9 mars, du 17 au 23 mars et du 31 mars au 6 avril. C'est tiré de l'album La Grosse Montagne de Feu. Non, c'est La Montagne de Feu. La mais Grosse. C'est parce que c'est signé Grosse Boîte, puis là, on dit, j'ai louché. Ah, en tout cas, j'allais dire qu'on s'en était bien sorti pour des gens qui se sont rendus compte à 3 secondes d'intervalle qu'il fallait qu'ils reviennent en nom. On était en train de s'envoyer des folies par Facebook. Un petit peu des sketchs drôles, là. Ah oui. Parce que ces temps-ci, on en parle-tu ou on en parle pas? On peut en parler. On a le droit d'avoir du fun. Oui. En fait, je te parlais. Tout ça a commencé quand je t'ai parlé d'un sketch de SNL Québec qui imite signé M. Et puis le sketch s'appelle Signé Je M'aime. C'est excellent. Très, très bon sketch à voir. Allez voir ça. Tapez SNL Québec, puis vous allez le trouver. Mais ça, hein, fait que là, tu me l'as envoyé par Facebook. Fait que moi, je t'ai envoyé un sketch de poulet de. Ben, en fait, c'est toi qui as commencé, Mathieu. T'as raison. Tu m'as envoyé un sketch de poulet parce que je regardais des photos d'ailes de poulet. En fait, t'es tombé là-dessus par hasard, entre guillemets. Je pense que c'est genre, je sais pas si c'est la mascotte de Ronald McDonald. Ben, je sais pas, là, mais il y a plein de pop-up tout le temps d'ailes de poulet qui arrivent sur mon écran, mais je sais pas de ma faute. C'est un tour du petit lutin magique. Les enfants, c'est ça la mode en ce moment, c'est de faire des mauvais tours par un lutin magique. Ouais. Je pense que c'est ça l'affaire. Mais je pense que c'est ça. C'est peut-être moi qui a commandé le lutin magique pour ça. Mais bref, ouais, le sketch des appendices là, sur le poulet. Le poulet. Il y a tellement pas de poils, genre ce sketch-là, mais c'est ça qui est drôle. T'sais. Oui, moi ça nous fait bien rire en tout cas. Poulet. Sauce. Poulet. Faux. Donc, il nous reste seulement les numéros 1. Eh ben oui, on en est là. On s'en est sorti, on a réussi à faire comme une vraie. C'est quoi? C'est Kate Winslet de nous-mêmes. Oui. Alors que le reste des palmarès s'échoue et s'écoule et s'écroule et c'est peu importe. C'est pas troué. Voilà. Si on veut. Il y a des trous dans cette blague-là, je pense. Ça marche pas partout. Non, je sais pas. T'essaies-tu de. Là, je suis pas sûr de te suivre. Je fais des jeux de mots sur les numéros 1. Là, ouais, c'est ça. Je les ai même pas compris. C'est parce que c'était des blagues tellement cheesy, comme un fromage suisse qui aurait des trous. Oui! Okay, hein? Là, t'es-tu au coup? Là, tu reprends-tu le rythme? J'y arrive. Parce que là, en direct, t'es comme quelqu'un, un animal qui sortirait, ou un enfant qui serait élevé par des loups. Mm-hmm. Genre sauvage. Oui, oui. Fait qu'il t'apprendrait des choses de tes parents loups sauvages, choses sauvages. Hein? Ça n'a pas l'air facile de suivre, hein? Non, je suis. Okay, j'ai un petit sourire en coin puisque j'ai hâte au prochain. On dirait que t'es pendant les blagues, t'étais en train de boire plein d'eau. Puis que t'étais allé faire tes besoins numéro 1 à la salle de bain, puis t'as manqué toutes les références, genre ben oui, les blagues. Ben oui, on dirait que j'ai. Ouais, oui, ok, oui, je comprends. T'es ça. T'es allé faire pipi. Ben oui. Mettons. Je sais pas. Puis là, je sais que rendu à cette heure-ci, t'as assez faim aussi. Mm-hmm. Fait que t'as envie de tarte. Pai. C'est tout, ok. Non. Encourage-moi pas là-dedans. Non, je t'encourage pas, mais je suis impressionné, Mathieu. Je suis impressionné. Merci. Je vais essayer de démêler tout ça, hein, parce que je suis pas sûr que tout le monde ait compris. Moi-même. Mais... Fais la part des choses, part de tarte, une pointe de tarte. Oui, la part des choses sauvages. Choses sauvages, oh! Donc, côté francophone, notre numéro 1, je vous le dis tout de suite, c'est resté 10 semaines sur notre palmarès. C'est fou. C'est monté jusqu'à la première position la semaine du 27 août. On va écouter Chose sauvage, c'est le titre, c'est L'épave trouée. C'est tiré de l'album L'épave trouée. Côté anglophone, Mathieu, on va écouter Pai Pai avec Pagan Day. C'est tiré de l'album Pagan Day également. Et puis ça a été numéro 1 de la semaine du 21 avril et c'est resté avec nous 12 semaines, Mathieu, dans nos palmarès. Ah, bien, hein? Voilà. Hey, moi, je te prendrais plus un Spagan Day. Spagan Day. Je pense que j'ai faim. Je pense qu'on a toutes les deux faim. Mm-hmm. Ah, ferme ta page de Google, c'est les ailes de poulet. Mais pour de vrai, c'est pour ça que j'étais concentré. Ah, c'est beau. Ah. C'est une page où il y a juste des ailes de poulet. Ça, puis les pubs de bâton qu'on n'avait pas de jouer. Ah, en tout cas, on rangera pas le numéro 1. Ouais. En parlant par-dessus. T'as bien raison. Oui. C'était fort en 2014. première position. Première position pour l'année 2014! Yeah! Oui, monsieur! On vient entendre Pie Pie avec Pagan Day qui a duré 12 semaines et qui était numéro 1 la semaine du 21 au 27 avril. Et côté francophone, c'était Chose Sauvage, L'épave trouée, c'est resté avec nous 10 semaines, ça a été numéro 1 le 27 août, la semaine du 27 août. ça termine bien l'émission. Oui. On va se quitter avec une dernière pièce dans quelques instants. C'est un de nos choix communs, comme oui. on a fait tout à l'heure. Donc, des pièces qu'on a aimées tous les deux, parce qu'on on a le temps juste pour une, fait qu'on s'affrontera pas là-dessus. Ben non, on s'est mis d'accord. Ben oui, on a choisi du Pif Paf Hangover. Oui, ça va être très bon pour finir cette année 2014. Mais en la pièce Whatever Works, qui a duré 6 semaines, qui est entrée dans le palmarès la semaine du 12 mai. Donc, ça a été là pas mal tout l'été. Ça, ce Pif Paf Hangover. Pif Paf. Merci JP. Merci Mathieu. Jean-Philippe Charbonneau qui a passé toute la saison automnale avec nous au Palmarès C'est Fou. On va se retrouver en janvier. Le 8 janvier dans encore une nouvelle case horaire. Ah oui. De 15h à 18h. On descend d'une heure. Oui. Pour voir ça nous adonne demain. Ben oui, c'est ça. Non, c'est suite à la forte demande. Oui, c'est le public qui a demandé ça. Et c'était trop de bonheur, 14h. Donc ça va être de 15h à 18h. Oui. Ça va être juste après une nouvelle saison. Encore, elle aussi, dans une nouvelle case horaire. Le Mathieu Plante Show de 13h à 15h les mercredis. Mais on vous invite à consulter le site, hein, c'est fou.ca, pour la programmation complète. Et assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balados diffusion. Voilà, on vous souhaite de tout temps. De tout. Et plus encore. De tout et plus encore. Du jambon, de la dinde, de la tourtière, ouais, du spout. Mais je suis pas sûr que les gens vont en vouloir tant plus encore. Non, c'est fissassé ça. C'est... Ben, après les fêtes, t'es tanné de manger ça. Ça dépend des dates où vous nous écoutez, en fait, c'est ça. Ouais. Ça va rejouer tellement plein de fois qu'il y en a qui vont être encore en appétit, d'autres qui vont être remplis, d'autres qui vont être trop pleins. Oui. Dépendant. Ça va y aller graduellement de rediffusion en rediffusion pendant les fêtes, je pense. Pas mal ça. Donc, en tout cas, prenez ce qu'ils vous adonnent, puis mangez-en. Faites ce que vous voulez avec ça. Ben oui. Puis on se retrouve en janvier, JP. Puis nous, on va aller manger des ailes de poulet. Ah oui. Ah, ferme Google encore. Oui, je sais pas pourquoi je reste ouvert. T'es fatiguant. Bye, je JP. Sais. Bye. À l'année prochaine. Oh! On se voit dans un an. La joke. Oh oui. En 2015. 2015, toi. Oui, 2015. She ain't mine. This place is white.